Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Nous sommes le 18 septembre 2017. Voici les grands titres de cette édition. Le ministère de la Santé procède à partir de ce lundi à la distribution de moustiquaires à travers tout le pays en vue de lutter contre la malaria. La province de Carousien recevra 30 000. Elle est parmi les trois premières provinces ayant été les plus affectées par l'épidémie déclarée au début de cette année. Et puis, le bilan de la fusillade de ce vendredi contre des Burundais à Kamanyola en RDC s'alourdit et porte à 36 le nombre de personnes tuées après la mort de deux personnes ayant succombé à leurs blessures. Un rescapé témoigne que plus de 3000 réfugiés burundais campent devant le siège de la MONUSCO, la mission des Nations Unies en RDC, à quelques centaines de mètres du lieu du drame. Et il manque presque de tout, nous dira-t-il. Et Bujumbura dit attendre d'être mieux informé pour réagir. Et l'OLUCOM demande à la facilitation dans la crise burundaise d'accélérer le dialogue inter-burundais pour faire face aux défis économiques actuels. Gabriel Rufyiri, président de cette organisation, donne l'exemple de la chute du taux de croissance économique qui est passé de 4% en 2014 à 0% en 2016. Bonjour. Deux blessés parmi les victimes de la fusillade ce vendredi à Kamanyola en RDC ont rendu l'âme, faisant en tout 36 tués. Un rescapé indique que près de 3000 réfugiés burundais campent devant le poste de la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, à quelques centaines de mètres du lieu du drame. Ils s'indignent que depuis qu'ils sont là, ils n'ont reçu aucune assistance en vivres ni en eau potable. Ils craignent aussi que dans ces conditions, des maladies des mains sales pourraient les attaquer. On l'écoute. Nous sommes toujours devant les bureaux de la MONUSCO. Nous sommes rassemblés dehors sur la belle étoile. Nous n'avons pas une assistance. Il n'y a pas une abri. Nous n'avons pas aussi de vivres pour les enfants. Tous les réfugiés en général n'ont pas de quoi manger. Tout simplement, dans les premiers temps, on se partage le peu qu'on avait retiré des ménages qu'on avait. C'est juste cette petite quantité qu'on est en train de partager. Est-ce que le bilan des personnes tuées au cours de la fusillade reste toujours 34? Non, le nombre s'est augmenté. Maintenant, nous sommes au nombre de 36 morts qui sont déjà enregistrés jusqu'à présent. Aujourd'hui, qui prend en charge les soins médicaux des personnes blessées? Jusqu'à présent, c'est la MONUSCO qui prend en charge des personnes blessées. C'est cet organe qui est chargé de les évacuer vers les hôpitaux de Bukavu et certains de Goma aussi. Par rapport à la situation que vous vivez, qu'est-ce qui doit être fait dans l'immédiat pour atténuer votre souffrance? C'est de nous assister en vivre et de nous donner les tentes pour abriter les enfants et les malades. Et aussi nous assurer une sécurité parce que nous voyons qu'on a tendance à toujours confier la sécurité aux militaires congolais qui nous ont tués. Alors nous sommes dans la crainte que l'incident puisse se répercuter. Voilà, c'était le témoignage d'un rescapé de la fusillade de Kamanyola. Des informations qui nous parviennent de Kamanyola, justement, disent que l'ONU aurait envoyé deux experts basés à Nairobi au Kenya pour faire une enquête sur ce massacre. Et le ministère burundais de l'Intérieur dit regretter l'assassinat de ces Burundais sur le sol congolais. Terence Nahiraja, porte-parole de ce ministère, précise qu'après contact avec le Haut Commissariat pour les réfugiés, il s'avère qu'il n'y avait pas de camp pour des réfugiés à Kamanyola. Il souligne en outre que Bujumbura attend d'amples informations pour sortir une déclaration. Suivez-le. Nous avons été surpris. Pourquoi? Parce que parmi les camps des réfugiés qui sont bien définis et qui sont connus, à Kamanyola, à République démocratique du Congo, il n'y avait pas un camp de réfugiés qui le connaît officiellement. Nous avons même essayé de contacter le représentant du HCR au Burundi et nous a déclaré que c'était des Burundais qui vivaient dans un village, dans les ménages des autres, et qu'il n'y a pas d'un camp de réfugiés là-bas. Donc, il ne suffit pour nous. De vendredi à lundi, pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas réellement sorti un communiqué selon vous? Le gouvernement, jusqu'à maintenant, a voulu prendre le temps de vérifier cette information pour voir si c'est vrai, afin que le gouvernement puisse faire une réaction. Aussi, il y avait un regroupement de Burundais bien connu dans un cadre réfugié bien connu. Le gouvernement aurait déjà sorti un communiqué. Connu, il n'y avait pas un cadre réfugié. Ce sont des questions qui s'opposent. On pourrait passer peut-être à des montages ou de fausses informations qu'on peut faire circuler sur le WhatsApp ou autre et pour justement désinformer l'opinion. Comme vous en souvenez, cela a lié même. Souvenez-vous avec France 3. Il y a certaines informations qui parlent d'un groupe d'adeptes de Eusebic. Ne serait-ce pas une raison pour le gouvernement burundais de tarder à dire quelque chose irrelatif? Le Burundais n'a jamais menacé aucune personnalité qui prie le Seigneur conformément à la loi. C'est d'abord un gouvernement laïque et qui s'écoute la croyance de chacun. Mais si quelqu'un commençait à faire des activités de nature à perturber la paix et à perturber d'autres confessions religieuses, il a fallu que le gouvernement empêche ces activités. Mais on a chassé personne. Est-ce qu'il y aurait des démarches pour le rapatriement de ces Burundais, pour le rapatriement des corps de ces personnes mortes? Ce n'est pas maintenant que le ministère de l'Intérieur de la formation patriotique lance un appel à tout Burundais de rentrer. Les Burundais auxquels nous lançons un appel ne sont pas seulement qui sont dans le cas des réfugiés, mais les autres qui vivent dans les villages, dans les pays limitrophes du Burundi, sont invités à rentrer au pays. Quant à ce qui concerne le rapatriement des corps, non, il faut faire attention. Si quelqu'un déclare qu'il est réfugié parce que, selon évidemment les informations qui nous parviennent, il réclame qu'il soit des réfugiés burundais. Alors, s'il est réfugié, il n'est pas dans les mains du gouvernement burundais à ce moment. Même s'il est mort, il n'est pas entré au Burundi, c'est l'OHCR qui doit prendre les mesures. Donc, il est dans les mains des Nations Unies via l'OHCR. Terence Nhaïraja, porte-parole du ministère de l'Intérieur, au micro de Mireille Kanyang. Je vous l'avais dit dans les titres, le ministère de la Santé procède à partir de ce lundi à la distribution de 6,5 millions de moustiquaires à travers tout le pays. Et plus de 30 000 moustiquaires vont être distribués aux ménages de la province Karoussi ce lundi. Cette distribution intervient après la déclaration de la malaria au début de cette année. La province de Karoussi a été parmi les trois premières qui ont été les plus menacées. Les responsables de santé demandent à la population bénéficiaire de ces moustiquaires de les utiliser pour couvrir leurs lits et de ne pas les vendre. Blaise Pascal Kararoumié depuis Karoussi. C'est 319 064 moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action seront distribués à la population de la province sanitaire de Karoussi depuis ce lundi jusqu'au vendredi le 22 septembre 2017. Cette distribution des moustiquaires du programme national de lutte contre la malaria arrive après l'épidémie de cette maladie qui s'est révélée au début de cette année en cours. La province sanitaire de Karoussi était parmi les trois premières provinces dont les habitants étaient beaucoup plus menacés par cette épidémie. Et les responsables sanitaires de Karoussi signalaient un effectif de 14 000 personnes malades de la malaria par semaine lors de cette période. Dans la province Karoussi, cette distribution se fait sur 35 centres de santé que compte cette province sanitaire et qui sont qualifiés de sites fixes, mais aussi elle s'effectue sur des sites qualifiés de sites avancés qui ont été mis en place par les centres de santé en vue de diminuer le trajet de la population bénéficiaire. Les responsables de la santé demandent à tous les bénéficiaires de ces moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action de les utiliser pour des fins utiles en couvrant leurs lits pour lutter contre les moustiques, sont vecteurs de la malaria, et ne plus les vendre et non plus encore les utiliser pour d'autres fins comme les poulaillers, la pêche ou bien en les portant comme des habits. Pour les habitants qui n'ont plus encore les tickets qui leur ont été distribués, les responsables de la santé indiquent qu'ils auront leur moustiquaire ce vendredi le 22 septembre. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise, vous venez de le dire, cette distribution de moustiquaires s'effectue donc à partir de ce lundi 18 septembre jusqu'au 22 septembre et en tout 6,5 millions de moustiquaires seront distribués aux ménages. Comme l'a précisé la semaine dernière, le porte-parole du ministère de la Santé, Dr Tade Ndikumana, il précise que la distribution se fait sur les centres de santé et sur d'autres endroits identifiés. Il ajoute que ceux qui ont perdu les reçus à présenter pour être servis se présenteront le dernier jour accompagnés par un administratif à la base. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le parti Uprona demande que l'amendement de la Constitution en cours ne touche pas l'esprit de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation burundi. C'est dans un communiqué de presse sorti à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de sa victoire. C'était le 18 septembre 1961. Ce parti appelle les Badasigana en particulier et tous les Burundais en général à suivre l'héritage du prince Louis Rwagasore en gardant les valeurs de paix, de justice et de développement. Le parti Uprona demande à la facilitation d'organiser le plus tôt possible les derniers rounds du dialogue avant la fin de cette année, afin de tirer les conclusions qui contribueront aux préparatifs des prochaines élections. Et l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Colicom, appelle le facilitateur dans la crise burundaise à tout faire pour organiser dans l'urgence un dialogue qui soit inclusif en vue d'aider le Burundi et les Burundais dans la relance de l'économie. Dans une correspondance adressée au facilitateur, Gabriel Ufili, président de l'Olicom, affirme que le taux de croissance économique, qui était de plus de 4% en 2014, a chuté jusqu'en dessous de 0% en 2016. Il parle de différents secteurs sensibles, notamment le carburant, l'électricité, le manque de devises, etc. Il est difficile, selon lui, de redresser la situation si les Burundais ne parviennent pas à se mettre autour d'une même table et de manière inclusive. Suivez Gabriel Ufili, président de l'Olicom, au téléphone avec Léonce Vitaliou. C'est une situation vraiment grave. Un pays qui n'a pas d'électricité. Malgré que, depuis 2005, les autorités nous disaient que, donc, les barrages qui étaient en train d'être construits devaient voir le jour. Mais après 12 ans, rien n'a été fait. La situation est toujours la même. Maintenant, le gouvernement vient de revoir la hausse à plus de 200% l'électricité, disant que des choses vont changer. Mais nous voyons que les problèmes sont toujours là. Il y a ce problème de la braderie. On peut citer vraiment toute une liste de produits qui sont rares sur le terrain, suite justement à ces problèmes politiques. Il y a un autre problème qu'on a souligné, c'est le problème des devises. Vous le savez, le Burundi, c'est un pays où la balance commerciale est négative de tel point que les exportations, le tourisme et les partenaires du Burundi, presque tout ont tari. Nous voyons par exemple aujourd'hui, il y a eu la dépréciation monétaire à la hauteur de plus de 68%, dont 2015 à 2017. C'est pour cette raison que dans cette on a demandé à son excellence le facilitateur de tout faire pour que le dialogue continue et soit clôturé dans les meilleurs délais pour qu'on puisse s'attirer sur des questions essentielles à la population. Parce que nous voyons que le dialogue n'avance pas, ça fait bientôt plus de 2 ans, justement suite aux intérêts des individus. Nous disons que le gouvernement qui reçoit les impôts et taxes des citoyens doit tout faire pour que cette situation ne reste pas comme ça. Avez-vous de l'espoir? Vous semblez perdre tout espoir. Non, il faut toujours avoir de l'espoir. Nous avons de l'espoir parce qu'il y a 12 millions de la population burundaise. Il y a donc les partenaires qui sont en train de nous aider. Les discours du facilitateur qui tentent à nous rassurer, nous pensons que ça pourra aller. Mais quand même, nous exhortons vraiment les autorités burundaises de ne pas être en blocage pour ce processus. Gabriel Ufili, président de l'organisation Olicom de lutte contre la corruption et les malversations économiques. 2 hommes ont été tués dans la nuit de ce dimanche en commune Butaganzwa de la province Kayanza. La police indique qu'elle avait des informations qu'un groupe de bandits armés s'apprêtait à voler dans cette commune. La police leur a tendu un piège. 2 policiers ont été également blessés selon la police qui dit avoir saisi les armes de ces bandits. Correspondance d'Apollinaire Muzagara. Ces 2 hommes tués sont Eric Nsagouye et un certain Janvier, tous décidés de placer Dogasseni en commune Rango de la province Kayanza. La police dit qu'elle était informée de l'existence d'un groupe de bandits armés qui préparait commettre banditisme sur la colline Ngakirungere en commune Butaganzwa de la province, où elle a organisé une planque. Et beaucoup de balles ont été tirées par les 2 parties et ces 2 hommes sont décédés sur le chemin. Un autre qui était avec eux a pu prendre le large. La police déplore 2 de leurs ont été gravement blessés lors des échanges des coups. Ces blessés ont été évacués immédiatement vers Bujumbura pour y recevoir des 2 fusils de type Kalachnikov et 5 chargeurs dont ce ministère, ces bandits ont été saisis par la police. Cette dernière salue la collaboration qui a caractérisé la population et la police dans cette opération. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Sanganil. Merci Apollinaire Muzagara. Les cours n'ont pas encore commencé dans les 2e années post-fondamentales de certaines sections dans les écoles de Rumonge. Le directeur provincial de l'enseignement à Rumonge dit ne pas disposer de réponse à ce sujet, comme le rapporte notre correspondant Jean-Pierre Misago. Les sections maths, physique et technologie et biologie, chimie et sciences de la terre sont les plus concernées avec 0 manuel scolaire ou seulement avec 2 cahiers de situation d'intégration. Dans les autres sections, c'est 1 cours ou 2 qui manquent encore de manuels scolaires. Sur demande de leur préfet des études, certains enseignants interrogés disent qu'ils occupent les élèves en révisant la matière de la première année post-fondamentale. Ils indiquent qu'ils ne peuvent faire autrement, étant donné qu'il n'y a même pas de programme de cours dans la deuxième année post-fondamentale. Entre-temps, les jours de cours du premier trimestre s'écoulent et ces enseignants redoutent déjà un non-achèvement des programmes ou un achèvement dans la précipitation en survolant la matière, comme cela a été le cas l'année scolaire écoulée, si ces manuels scolaires ne sont pas rendus disponibles dans les meilleurs délais. Interrogé à ce sujet, Adrien Sabouchimike, directeur provincial de l'enseignement à Rumonge, dit ne pas avoir de réponse à donner. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago, éducation toujours. Les finalistes de l'Institut technique médical ITEM n'ont pas pu récupérer l'argent qu'ils avaient donné à leur école pour retirer leur diplôme malgré le rendez-vous de ce lundi qui leur avait été donné. Ces derniers disent qu'ils ont été refoulés par la police à l'entrée de l'école. Les détails avec Gertrude Mawenayo, stagiaire à notre station. C'est au terrain Toyota se trouvant au quartier Mutanga Nord, non loin de l'Institut technique d'enseignement médical ITEM. ITEM, une école qui a été fermée par le ministère de la Santé publique. Au moment où nous sommes arrivés à cet endroit, on a trouvé les élèves assis dans la tribune de ce terrain tout en dialoguant dans de petits groupes. Ces élèves disent qu'ils sont les anciens élèves de l'ITEM qui étaient venus au rendez-vous de ce lundi 18 septembre pour récupérer l'argent qui a été payé illégalement et qui devrait être retourné à ses élèves. Mais ses élèves indiquent que la police ne leur a pas donné accès à cette école. Nous sommes ici au terrain Toyota parce qu'elle nous a refusé l'accès d'entrée à l'ITM. Après la réunion tenue mercredi de la semaine passée, on nous avait donné rendez-vous aujourd'hui, ce lundi, le 18 septembre, pour venir récupérer notre argent et récupérer les diplômes pour d'autres qui n'avons pas payé ces frais illégaux. Mais arrivé à ITEM, la police nous a refoulés. Nous ne savons pas pourquoi. Donc nous demandons que nous soyons rétablis dans nos droits comme convenu avec le ministère de la Santé. Contactée à ce propos, la direction de cette école indique que cette question est dans les mains de la police. Les informations reçues à cette école auprès des forces de l'ordre disent que la représentation de cette école a adressé un recours au président de la République qui n'a pas encore réagi, ce qui signifie que ces élèves doivent attendre jusqu'au moment où le président de la République réagira. Gertrude Mawenayo, stagiaire à notre station éducation toujours. Ça fait une semaine qu'il y a des enseignants devant le ministère de l'Éducation demandant que les critères de redéploiement soient respectés à toutes les écoles. Ces enseignants rencontrés à ce ministère font savoir qu'ils ont été injustement redéployés. Suivez-les, ils sont au micro de Lydia Gahimbare, stagiaire à notre station. Twebwe igituma turi ngaha twagize ingorane z'uko twarenganijwe kuri kriteri za redeployment. Mu bisanzwe hariho kriteri yavuga yuko ku ishuri isanzwe iriko abaseribateri, abagabo n'abadame batangura gutwara abaseribateri, hanyuma bagatwara abagabo. Vous n'avez pas isanganiro, vous ratez l'essentiel. Vous voudrez bien nous excuser pour ce raté dans ce journal. L'élément a été en langue nationale alors que le journal se fait en français. On termine ce journal par les prix de certains produits obtenus avec l'usage du courant électrique qui ont été revus à la hausse. Le kilo de farine de maïs qui était acheté à 1200 francs coûte aujourd'hui 1500. Les commerçants expliquent que c'est la conséquence de la récente mesure de la société Régie des Eaux qui a revu à la hausse les tarifs du courant électrique. Les détails dans ce reportage de Thierry Fayoukourira, stagiaire. Dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura, où nous nous sommes rendus, les prix de certains commerçants utilisant le courant électrique, comme pour les moulins, les salons de coiffure, les prix ont été revus à la hausse. Ces commerçants disent qu'ils doivent revoir à la hausse leurs prix, vu que la Régie des Eaux l'a aussi fait. Quand la Régie des Eaux revoit à la hausse les prix du courant, nous devons nous aussi faire de même. Car si tu ne vas pas dans le même sens, tu ne peux pas couvrir les dépenses. Par exemple, un kilo de maïs était pilé à 100 francs bout, mais il est actuellement à 300 francs. Le manioc qui était à 30 francs, le kilo, il est à 100 francs. Son monsieur, propriétaire d'un salon de coiffure, affirme que même si les prix du courant électrique ont été revus à la hausse, il y a toujours des lestages. Nous attendons toujours de voir. Comme tu le constates toi-même, nous n'avons pas de courant électrique. On ne sait pas ce qui se passe au niveau de la régie des eaux. Espérons que dans l'avenir, la situation va se normaliser. Qu'il nous donne le courant, peu n'importe à quel prix. Même si cela est le cas, le directeur de la régie des eaux avait annoncé qu'il n'y aura plus de délestage avec la nouvelle tarification. Parce que je crois que 20 MW qui vont s'ajouter à ce que nous avons maintenant, ça va nous permettre d'avoir allégé mieux. La population demande que ce qui a été annoncé soit mis en application. Merci Thierry Mfayokurera, stagiaire à notre station. C'est sur ce reportage que nous bouclons ce journal en vous rappelant que le ministère de la Santé procède à partir de ce lundi à la distribution de moustiquaires à travers tout le pays en vue de lutter contre la malaria. La province de Carousien en recevra 30 000 et elle est parmi les trois premières provinces ayant été les plus affectées par l'épidémie déclarée au début de cette année. Et le bilan de la fusillade de vendredi contre des Burundais à Kamanyola en République démocratique du Congo s'alourdit et porte à 36 le nombre de personnes tuées après la mort de deux ayant succombé à leurs blessures. Un rescapé témoigne que plus de 3000 réfugiés burundais campent devant le siège de la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, à quelques centaines de mètres du lieu du drame. Et il manque presque de tout, nous a-t-il dit, et Bujumbura dit attendre d'être mieux informé pour réagir. Et l'OLICOM, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, demande à la facilitation dans la crise burundaise d'accélérer le dialogue inter-burundais pour faire face aux défis économiques actuels. Gabriel Rufyiri, président de cette organisation, donne l'exemple de la chute du taux de croissance économique qui est passé de 4% en 2014 à moins de 0% en 2016. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Toussaint Mitebouti pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Passez un bon après-midi à l'écoute de nos programmes.